En 1998, la situation de la planète devient de plus en plus grave. L'air n'est plus aussi pur. Il faut faire quelque chose. Sauver la planète. Sauver la planète. Sauver la planète. I'm gonna go get some more.